Chapitre 29e. Chez Madame la Générale, Demian fut tout simplement l'objet d'une ovation. Cette dame, qui d'ailleurs ne se piquait pas de logique, proclama le jeune artiste le premier homme de son temps. On ne sait d'ailleurs trop ce qu'elle entendait par là. L'assemblée était brillante. La bonne dame avait convoqué tout ce qu'il y avait de mieux à Yaroslav, ses meilleurs amis et ses pires ennemis, les uns pour se réjouir avec eux, les autres pour les humilier de sa supériorité. Fort laide et fort parée, elle allait d'un groupe à l'autre, et le résultat de tous ses efforts fut la demande générale d'un morceau de violon. Demian n'était pas très disposé à jouer. Outre la paresse naturelle à la suite d'un effort comme celui du jour même, il partageait avec nombre d'artistes une idée que le vulgaire combat de toutes ses forces, et qui prend néanmoins du terrain chaque jour, à savoir qu'un musicien n'est pas plus forcé de payer son écho en donnant un échantillon de ce savoir-faire, qu'un peintre n'est contraint par les bienséances à brosser une esquisse toutes les fois qu'il vient passer une heure dans un salon. Cependant, la jeunesse enthousiaste l'ayant acclamé à plusieurs reprises, il envoyait chercher à l'hôtel l'instrument de son supplice et se laissa conduire au piano. Mademoiselle Mavroucha, la propre fille de son Excellence Madame la Générale, vêtue de soie bleue et très décolletée, l'attendait sur le tabouret avec ses épaules jaunes sortant outrageusement de sa robe et ses bras rouges pendant sur ses genoux. Elle jeta à l'artiste un regard pathétique et indiqua du doigt le titre du morceau ouvert sur le pupitre. C'était précisément un de ceux que Demian avait joué avec Hélène le matin même. Sans s'occuper de son accompagnement, le jeune homme, qui n'y entendait pas malice, se donna le la à lui-même et la musique commença. Ce que peut souffrir un artiste de talent quand il est accompagné de travers, et quand, le piano étant tenu par une femme, il ne peut pas lui adresser à demi-voix quelques-unes de ces bonnes injures qui soulagent une âme oppressée, aucun de ceux qui n'ont pas passé par là ne le saura jamais. Le morceau s'acheva au milieu de l'admiration des uns et de la mauvaise humeur des autres, car partout en Russie, on rencontre des gens de goût, bons connaisseurs en musique, et qu'il est impossible de tromper sur ce point. « Que dites-vous de ma fille ?» demanda la générale en venant remercier Demian. Encore un peu inexpérimentée, mais à l'âge de mademoiselle, c'est un charme de plus, osa répondre l'artiste qui pensait à la réussite de son second concert et qui se proposait de se faire payer ce mensonge impudent en billets placés par la mère. Mavroucha leva sur le jeune homme des yeux pleins d'une flamme discrète et sourit en rougissant. Il alla plus loin recueillir des compliments et la jeune fille se retira à l'écart dans un petit coin isolé du salon par des plantes vertes, pour méditer une idée qui venait de germer dans sa cervelle obtuse. Ce jeune homme lui trouvait des charmes, et elle, que ne lui trouvait-elle pas? Or, Mademoiselle Mavra, Mavroucha par diminutif, nom abréviatif de même que la plupart des diminutifs, s'était bourré la tête de romans à l'institut de Kazan où elle avait été élevée. Dans tous ses romans, une jeune fille de bonne maison, après mille vicissitudes, devenait l'épouse d'un beau jeune homme sans fortune, qui se trouvait être ensuite un prince richissime. Mais qu'importait le rang et la fortune à Mademoiselle Mavra? L'essentiel pour maman était de se voir aimée d'un beau jeune homme, différent de tous les autres, et visiblement élu pour des choses extraordinaires. Demian réunissait toutes ses qualités, et la jeune fille, avec cette promptitude d'impression qui distingue de toutes les demoiselles du globe les demoiselles élevées dans les instituts, se déclara instantanément amoureuse du violoniste. C'est déjà quelque chose que d'être amoureuse d'un jeune homme extraordinaire. Mais encore faut-il qu'il vous paye de retour. Or, comment vous payerait-il de retour s'il l'ignore? Un violoniste de talent, mais sans fortune, oserait-il lever les yeux sur la fille d'un général, sur une héritière, sur la fleur de la noblesse du pays? Évidemment non. D'ailleurs, le vrai mérite est modeste et a besoin d'être encouragé. Donc, il fallait encourager Demian, c'était clair comme le jour. Pendant que Madame la Générale, qui venait de parler d'une contredanse à organiser, cherchait sa fille, si bien gardée contre les indiscrets, à l'opposé de la petite Hélène, qu'on laissait parler avec tout le monde, la jeune personne griffonnait dans sa chambre, sur un petit carré de papier rose, les paroles suivantes, écho de ses pensées, « Demian, vous avez du génie et je vous aime. » Signé Mavra. « Mavroucha ? » cria la maman qui cherchait partout. « Maman ?» répondit la demoiselle en apparaissant. « Où te caches-tu? Il faut t'arranger les danses. Mon Dieu, que tu es rouge !»« C'est la chaleur, maman, » répliqua la jeune dissimulée. « Viens vite. Je vais prier M. Markov de danser la première contredanse avec moi. Je pense qu'il aura l'esprit de t'inviter pour la seconde. Oui, maman. » Le bal s'ouvrit d'une façon brillante. Markov avait fait des progrès depuis le jour de son entrée dans le monde sous le patronage de la Gesellschaft. Il se tirait à son honneur du quadrille et même du cotillon. À la seconde contredanse, il invita Mademoiselle Mavra, comme c'était prévu. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est le coup de tonnerre dans un ciel serein qui devait clore le cours de ses succès pour ce jour-là. La première figure terminée, pendant le moment de silence où chacun, revenu à sa place, attend le signal du piano pour commencer la seconde, il tendait la main à la danseuse. Elle fit un mouvement maladroit, et le papier rose plié en quatre qu'elle venait de tirer de son gant tomba à leurs pieds sur le parquet. On ne se figurera jamais, si on ne l'a entendu, le bruit que peut faire un petit papier plié qui tombe par terre quand tout le monde immobile et silencieux est dans l'attente du signal. De plus, la robe de Mavra était bleue, le parquet était fauve, le billet était rose, écrit sur un papier lourd aux plis récalcitrants. L'assemblée entière tourna les yeux vers le couple. Mavra poussa un cri de désespoir et tomba sur sa chaise en pâmoison, mi-feinte, mi-réelle. Un billet! Ce mot courut par toute la salle en un chuchotement très haut et devint soudain le signal d'un orage. Ma fille! S'écria la générale en volant vers son enfant. L'infortuné Demian, auquel Caroline n'avait pas révélé tous les secrets du machiavélisme féminin, s'était baissé sans penser à mal pour ramasser le billet. La générale, qui se doutait de la vérité, son flair était probablement aidé de quelques antécédents du même genre, ne pensa plus qu'à sauver les apparences. « Un billet à ma fille » s'écria-t-elle. « Vous osez faire passer un billet à ma fille et en ma présence, en présence de cette honorable assemblée ? Ah, monsieur, vous n'êtes qu'un misérable insensé. Sortez !»« Moi ?» cria Demian en bondissant sous l'insulte imméritée. « Moi, un billet ? Que le diable m'emporte si le billet n'est pas tombé de la main de votre fille !» Les deux tiers de la société se mirent à rire. L'humeur romanesque de Mademoiselle Mavra n'était un secret pour personne. Et sur 40 assistants, il y en avait au moins 39 qui étaient parfaitement convaincus de la véracité de Demian. Mais l'honneur d'une jeune fille, disaient les uns, le respect des apparences, disaient les autres, exigeait un bouc émissaire, et Demian venait de perdre sa cause en la plaidant avec trop de simplicité. Un autre, plus malin, se fut confondu en nobles excuses, tout en clignant de l'œil à droite et à gauche, et il eut la ville entière de son côté. Dans l'état où étaient les choses, notre ami n'avait qu'à prendre son chapeau et à se retirer, ce qu'il fit, pendant qu'une dame trop bien intentionnée versait le contenu d'une carafe sur la robe bleue de Mavra et tirait ainsi la jeune fille de son évanouissement. Victor sortit de la bagarre, suivit son frère sans mot dire, et ils rentrèrent à leur hôtel fort désenchantés. « Que va-t-il arriver ? » demanda tristement le pauvre Victor, quand ils se furent assis chacun sur son lit. Il n'est personne qui n'ait remarqué combien, dans les grandes catastrophes, on s'assied plus volontiers sur le bord de son lit que sur une chaise, quand toutefois la hauteur du lit s'y prête. « Le second concert est flambé, » répondit Demian, en accompagnant cette conclusion d'une épithète peu flatteuse à l'adresse de Mademoiselle Mavra, dont il ignorait le nom. « Alors c'était elle qui t'avait donné le billet. Te figures-tu par hasard que je suis assez bête ? Si seulement elle avait su s'y prendre adroitement. Mais elle est aussi sotte qu'elle est laide. » « Qu'allons-nous faire ? Qu'est-ce que j'en sais ? Nous coucher d'abord et tâcher de dormir, car il est minuit. Nous aurons le temps de grogner demain, et même les jours suivants. »